Cinquième paragraphe, la respiration circulaire. Vous allez maintenant pratiquer les 5 étapes de la respiration circulaire comme expliqué dans le livret fourni avec le CD. Premièrement, prenez un verre d'eau et votre didgeridoo. Deuxièmement, remplissez votre bouche d'eau et commencez à inspirer, expirer naturellement par le nez. Tout en continuant ces inspires, expires, éjectez un mince filet d'eau ininterrompu partant du centre de votre bouche. Troisièmement, remplissez de nouveau votre bouche d'eau, mais cette fois-ci, vous inspirerez pendant que vous éjecterez le filet d'eau à l'extérieur de votre bouche. Soyez bien sûr que vous commencez l'inspire et l'éjection de l'eau au même moment, et que de même, vous les finissez en même temps. Quatrièmement, maintenant vous attrapez votre didgeridoo et répétez les étapes précédentes avec l'embouchure de l'instrument aux lèvres, comme si vous alliez jouer. Si vous faites correctement l'exercice, vous pourrez voir l'eau sortir par le bas du didgeridoo. Cinquièmement, dernière étape. Répétez les 4 premières étapes en faisant semblant d'avoir de l'eau dans votre bouche et de l'éjecter. Ceci devrait produire un son bourdonnant pendant que vous respirez par le nez. Puis vous allez utiliser la respiration circulaire en utilisant le son des voyelles dans leur prononciation anglaise, soit A, E, I, O, U, dans cet ordre, en reprenant votre souffle après le U. Ce n'est pas important si vous n'y arrivez pas dès le début. Avec de l'assiduité, beaucoup de personnes y arrivent en 3 ou 4 semaines. Maintenant, incorporons le souffle dans le rythme donné par le didgeridoo. Commençons en prononçant didgeridoo, toujours à voix silencieuse, et en reprenant notre souffle avant la dernière syllabe, dou. Beaucoup de débutants arrivent rapidement à jouer en rythme avec la respiration circulaire.